Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gameuzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 20 juin, nous souhaitons une bonne fête au Silver, ça vient du latin signifiant forêt. D'apparence énergique et virile, Silver dégage une impression de force, de confiance en soi et un certain magnétisme. Mais ne nous laissons pas impressionner par cette façade. Certes, Silver est dynamique, entreprenant, décidé et même parfois bourru ou cassant, mais c'est aussi et surtout un tendre. Les vibrations puissantes du 1 et du 8 traduisent son côté autoritaire, directif, quelque peu vaniteux. Cependant, il est également concerné par les autres. Sa sensibilité est parfois envahissante et son émotivité intense au point qu'il est capable d'élan de générosité tout autant que d'emportement, voire de violence. Il est soucieux de son personnage mais ne perd pas de vue son pouvoir sur les autres. Les difficultés le stimulent et il combat, s'oppose ou s'affronte volontiers. Son esprit de contradiction est très aiguisé, bien qu'essentiellement individualiste, il a souvent besoin des autres pour se réaliser. S'il adhère à des groupes ou des associations, politiques, sportifs ou autres, il recherche la position du chef. Il a un esprit novateur et pense pouvoir changer le monde. Si Silver est un homme actif, pragmatique, fait pour les réalisations concrètes, c'est aussi un rêveur, parfois naïf et utopiste et quelque peu inorganisé. Enfin, il est attaché aux biens matériels et est loin d'être désintéressé par la sphère financière. Dicton du jour, pluie d'orage à la Saint-Silver, c'est beaucoup de vin dans le verre. Saint-Silver, froid et pluvieux, annonce un été radieux. Alors on verra tout à l'heure à la météo, en parlant météo, qu'on n'est pas très loin de la vérité aujourd'hui. Célébration internationale aujourd'hui, journée mondiale des réfugiés établie par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 4 décembre 2000. En Argentine, c'est la fête du drapeau. Aux États-Unis, c'est la journée du soda à la crème glacée et dans l'État de Virginie-Occidentale, c'est la fête de l'État. Dans les événements qui sont déroulés un 20 juin, 1789 serment du jeu de paume, 1946 ouverture du Lido à Paris, 1960 indépendance de la Fédération du Mali, 1966 fondation de SOS Médecins, 1991 Berlin redevenait la capitale de l'Allemagne en cours de réunification. Allez tout de suite, première pause musicale, Lionel Richie, All Night Long. Let the music play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Yeah! Lionel Richie, All Night Long sur RGM. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 20 juin 1941, naissance de Stephen Frears, réalisateur britannique des Liaisons Dangereuses, récompensé par le César du meilleur film étranger. 1942, naissance de Brian Wilson, musicien américain du groupe Beach Boys, direction les plages californiennes avec le titre I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Voilà pour l'extrait des Beach Boys. 1947, naissance de Candy Clark, actrice américaine connue pour son rôle de Debbie Dunham dans le film American Graffiti, récompensé par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. 1949, naissance de Lionel Richie, chanteur américain. 1954, naissance de Michael Anthony, musicien américain du groupe Van Halen. C'est également l'année de naissance de Catherine Sellac, journaliste française qui a présenté Télématin de 1988 à 89. Et Thé ou Café de 96 à 2018. 1960, naissance de John Taylor, musicien britannique du groupe Duran Duran. Petit extrait de leur titre, Ordinary World. Voilà pour l'extrait des Duran Duran. 1964, naissance d'Éric Lartigot, réalisateur français à qui l'on doit Mais qui a tué Pamela Rose, Un ticket pour l'espace, Prête-moi ta main ou encore La femme est bélier. 1967, naissance de Nicole Kidman, actrice australienne vue dans Batman Forever, Moulin Rouge dans le rôle de Satine, The Hours dans le rôle de Virginia Woolf, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, le film Ma sorcière bien-aimée dans le rôle d'Isabelle Bigelow, alias Samantha, Australia dans le rôle de Lady Sarah Ashley, Nine, Grace de Monaco dans le rôle de Grace Kelly, Paddington, Les Proies de Sofia Coppola, en 2018 dans le film Aquaman dans le rôle d'Atlana, et depuis 2017 elle joue le rôle de Celeste Wright dans la série télé Big Little Lies où elle est également productrice de la série. 1968, naissance de Tonya Kissinger, actrice américaine installée en France depuis de nombreuses années maintenant. On a pu la voir dans la série télé Extrême Limite dans le rôle de Cathy, Sous le Soleil dans le rôle de Jessica Laurie, Amour, Gloire et Beauté, Camping Paradis, et depuis 2019, elle joue dans Un si grand soleil le rôle de Janet Lewis. C'est également l'année de naissance de Robert Rodriguez, réalisateur américain à qui l'on doit Desperado 1 et 2, Spy Kids 1, 2, 3 et 4, Sin City, J'ai tué pour elle, Machete ou encore Machete Kills. 1971, naissance de Josh Lucas, acteur américain, vu dans Un homme d'exception dans le rôle d'Hansen, Hulk, J. Edgar de Clint Eastwood dans le rôle de Charlene Berg, La Défense Lincoln dans le rôle de Ted Minton, la série télé Les Mystères de Laura dans le rôle du lieutenant puis capitaine Jack Broderick. 1976, naissance de Jared Paul, acteur américain, vu dans Menteur, 40 jours et 40 nuits, à la télévision dans Buffy contre les vampires, Beverly Hills ou encore Monk. 1979, naissance de Ben, humoriste français, vu dans l'émission On ne demande qu'en rire, et on le voit depuis quelques temps maintenant attendant vivement dimanche prochain. 1982, naissance d'Example, rappeur britannique connu pour le titre Won't Go Quickly, dont on écoute tout de suite un extrait. Kiss goodnight. Had to go get something out my system. I ignored the warnings. Bit the fruit. She might have tasted good, but man, she was my kryptonite. Should have known she was trouble from the start. I knew she broken hearts. I thought I'd take that chance. Danced with the she devil in the pale moonlight. Alarm bells rang, but I love the drama. In the dark place, but I love the karma. Sutra. Should have closed that door, but I kept going back for more. She's electric. She's the color running through my veins. Voilà pour l'extrait d'Example. On continue. 1984, naissance d'Amir, chanteur franco-israélien découvert dans la saison 3 de The Voice. Ensuite, il a représenté la France à l'Eurovision. C'était en 2016 où il s'était classé d'ailleurs 6e avec le titre J'ai cherché. Mais on s'écoutera plutôt un autre titre tout à l'heure que j'adore. En 2011, décédé Ryan Dunne, acteur américain, membre des Jackass. Et en 2013, décédé Jean-Louis Scherrer, créateur de mode de haute couture français. Allez, tout de suite, on s'écoute Van Halen avec leur titre Jump. What up? Van Halen avec le titre Jump sur le 107FM. Il est presque 8h48 et il est temps pour nous eh bien, de parler météo. La météo. Après les orages d'hier soir, il y est tombé d'ailleurs des trombes d'eau. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts chez vous, comme par exemple au Cinéma Palace à Épinal, hein, qui a dû être évacué. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on aura des éclaircies avec quand même pas mal de nuages. Mais méfiez-vous, la pluie et les orages vont encore être parmi nous aujourd'hui. On n'en a pas fini avec eux. Pour ce matin, des températures comprises entre 16 et 17 degrés. Pour cet après-midi, entre 21 et 22 degrés. Vendredi, principalement nuageux avec des éclaircies. Alors pour la fête de la musique, espérons que ça passe. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés prévus pour demain après-midi. Et samedi, on passera la journée sous la pluie. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On parle tennis avec le tournoi du Queen's et la qualification du Lucas Pouille en 2-7 face à Clark, 7-6, 6-1. À noter la qualification également de Jérémy Chardy en 2-7 face à Kukushkin, 6-1, 6-3. Et hier également, Del Potro s'était qualifié, mais il a malheureusement dû déclarer forfait, enfin se retirer du tournoi par la suite. Aujourd'hui, Nicolas Mahut affrontera Stan Wawrinka, Gilles Simon sera opposé à Anderson et Lucas Pouille à Medvedev. Au tournoi de Halle, hier, Pierre-Hugues Herbert s'est qualifié en 3-7 face à Stavkovski, 2-6, 7-6, 6-4. Aujourd'hui, Joe Wilfried Tsonga affrontera Roger Federer. Richard Gasquet sera opposé à Bautista Agut et à Majorque. Aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Anisimova et Caroline Garcia sera opposée à Badosa Gibert. Et des nouvelles de Novak Djokovic qui a déclaré qu'il ne disputerait aucun match sur gazon avant le tournoi de Wimbledon qui débute le 1er juillet prochain. Un mot d'escrime avec l'épée où deux Françaises ont été médaillées hier lors des championnats d'Europe. Médaille d'or pour Coraline Vitalis et médaille d'argent pour Marie-Florence Gandasamy. Un mot de rugby et Mathieu Bastaro, non appelé pour la Coupe du Monde, a annoncé hier sa retraite internationale. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On s'écoute tout de suite Amir avec son titre « Longtemps ». Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, ma peau